Rien ne fut pire que ton indifférence. Ton regard méprisant. Mon corps inexistant. Le silence n'en finissait pas. Dis-moi. Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Ces mots résonnent souvent. Je pensais qu'en s'efforçant, on pouvait tout remettre à nu. Je l'ai cru. Puis bien sûr, il y a un homme. Sans doute doit-il apprécier la douceur de ta peau, tes qualités. C'est sûr, il doit être heureux. Qu'est-ce que j'y peux? Si un jour on recommence, sache que j'ai préparé la maison, arrosé les fleurs qui portent ton nom. C'est si beau, on n'y croit pas. Tu verras. Je suis comme la plante qui était dans le salon. Un matin, ton regard ne l'a plus vu et le soir, tu l'as jeté. Il te restera mes lettres et tous mes poèmes, mais tu pourras t'en défaire comme tu as fait des je t'aime que je t'ai chanté. Tes lettres sont belles quand elles sont au présent. Je les relis et c'est dur de se dire que maintenant c'est terminé. Oh, le mal est trop lourd pour tenter de comprendre. J'attendrai ton retour car ma vie te sera toujours réservée.